Connaissez-vous Serge Voronoff, le médecin qui transplantait des testicules de chimpanzés sur les millionnaires séniles qui voulaient redevenir jeunes? Let me take you by the hand over to the jungle band. If you're too old for dancing, get yourself a monkey gland and then let's go. And then let's go, a little theory, there's a door in theory telling me and you, telling me and you to do the monkey do. J'ai voulu débuter cette chronique par un extrait d'une chanson d'Irving Berlin qui s'appelle « Monkey Doodle Doo » parce que le passage que vous venez d'entendre dit « Si tu es trop vieux pour danser, cherche-toi une glande de singe ». Incompréhensible aujourd'hui, cette phrase avait du sens pour le public américain de l'époque grâce à un médecin français d'origine russe qui s'appelait Serge Voronoff. Né en 1866, naturalisé en 1895, il fut l'étudiant d'Alexis Carrel, le chirurgien français qui obtint le prix Nobel en 1912, dont je vous reparlerai dans une autre chronique. Voronoff apprit auprès de lui les techniques de transplantation d'organes. Nommé directeur adjoint du département de physiologie au Collège de France, Serge Voronoff approfondit des recherches sur les greffes. Le 21 juin 1920, il réalisa la première transplantation officielle d'une glande de singe chez un être humain. Dissection de quelques millimètres de largeur, prélevée sur les testicules de chimpanzés et de babouins, était implantée dans le scrotum du receveur. Ce type de greffe fut d'abord salué avec enthousiasme par la communauté scientifique internationale. En 1923, 700 des plus grands chirurgiens du monde, rassemblés lors d'un congrès international organisé à Londres, applaudirent Voronoff en confirmant l'efficacité de sa découverte. Son livre intitulé « Le rajeunissement par la greffe », paru en 1925, élargit sa réputation au-delà du milieu médical. Voronoff y affirmait que la greffe de testicules permettait de stimuler le désir sexuel, d'éviter le port de lunettes, d'augmenter l'espérance de vie et même de combattre la schizophrénie. Des milliers d'hommes qui ne savaient pas quoi faire de leur argent et qui pleuraient leur jeunesse perdue se précipitèrent dans son cabinet. À tel point que celui-ci ouvrit une clinique spécialisée à Alger. Voronoff devint tellement riche qu'il put occuper tout le premier étage d'un des hôtels les plus chers de Paris, entouré d'une escorte de chauffeurs, de valets et de secrétaires personnels. Mais la réalité reprit ses droits au détriment des fantasmes. On s'aperçut peu à peu que les testicules de chimpanzés ne pouvaient rien contre le vieillissement des hommes. La pression exercée par une communauté scientifique de plus en plus sceptique et le revirement de l'opinion publique mirent fin aux expériences de Voronoff. Considéré comme un charlatan, il mourut en 1951 dans l'indifférence générale. Cette histoire de testicules de singe vous semblera peut-être anecdotique. Pourtant, elle éclaire trois domaines de la recherche historique. Le premier concerne la médecine, en nous rappelant que ce n'est pas une science exacte. Le second touche à l'histoire du genre, puisque Voronoff a fait fortune en exploitant les fantasmes de virilité des mâles qu'il avait pour clients. Quant au socio-historien, il verra dans cette affaire la confirmation que, décidément, l'argent ne fait pas toujours le bonheur.